Pour tous vos problèmes en électricité, les électriciens du Nord qu'il faut contacter. Une équipe d'expérience qui est en affaires depuis 40 ans et qui saura bien vous conseiller pour vos différents ennuis électriques. Nous faisons la vente d'équipements neufs ou usagés pour le résidentiel, le commercial et l'industriel, ainsi que les institutions. Les électriciens du Nord, situés au 1025 3e rue à l'Ascension, au numéro de téléphone 418-347-5103. Le propriétaire des électriciens du Nord, M. Ghislain Tremblay, rappelle qu'en achetant localement, préserve nos emplois chez nous. On va parler du côté du hockey mineur de Roberval. Cette chronique est une commandite de Jean-Lapierre, mécanique de Saint-Prime. Salut Hugo! Salut! Hugo, je veux te parler d'abord de Samuel Girard qui sera de passage à Roberval le 15-16 janvier. C'est ce que son père m'a dit. Avez-vous l'intention d'organiser un petit quelque chose? Est-ce que vous avez l'intention de voir... Parce que là, son statut a changé pas mal. Là. Il est rendu joueur de Ligue nationale régulier. Puis il me semble que ce serait le fun pour les jeunes de hockey mineur. Là. C'est-tu quelque chose que vous allez peut-être vous informer si c'est possible? Oui, probablement. Ben, là, honnêtement, tu me l'apprends. Oui. Ça fait que c'est sûr qu'avant avant même que je te dirais, on a-tu l'intention d'organiser quelque chose, ben. C'est sûr que si on le sait pas, c'est pas facile d'organiser quelque chose. Dans la possibilité ou Samuel effectivement vient à Roberval puis que il est disponible, c'est sûr que nous par rapport à notre hockey mineur, je pense qu'on a quand même là, on veut pas, c'est pas par prétention, mais on a une bonne entente avec. Autant Tony et Guylaine, là, dans leur, quand Samuel vient par ici, puis on a une super collaboration des parents puis de Samuel qui est à Roberval. Fait que c'est clair que si Samuel venait à Roberval puis que il est disponible, parce qu'on sait que ça va être quelqu'un qui va être beaucoup en demande. C'est clair que nous autres, c'est quelque chose qui pourrait être envisagé là, de faire une activité ou de souligner la présence là, de Samuel dans le coin puis de s'organiser pour avec les jeunes, parce que c'est sûr qu'on se le cachera pas. Là. Je veux dire, oui, son statut a changé, mais à Roberval, même sans ce statut-là, ben quand Samuel vient à Roberval, pour nous, là, c'est rendu notre vedette. Ça fait que c'est clair que on est capable là, d'organiser quelque chose puis de faire quelque chose là. Assez facilement. Ben oui, parce que quelque part, c'est sûr qu'il vient ici pour se reposer. Il vient ici pour voir un peu, mais je pense qu'il va être deux jours à Roberval. Donc peut-être le voler pendant une heure, ça serait peut-être une heure, une heure et demie, ça serait peut-être intéressant. Ah ben là, c'est clair. Ah non, ça c'est sûr que, écoute, comme je te dis, là, je veux dire, il n'y a pas de. C'est clair que si on est capable de le faire, là, je veux dire, c'est même pas un questionnement là, à dire on va-tu le faire, on le fera-tu pas. C'est sûr qu'on va aller dans cette optique-là, puis ça va nous faire plaisir. Là, on est pas. On va être bien content de ça. Hugo, je veux te parler du documentaire L'Arbitre. Je sais pas si tu l'as vu. Je l'ai écouté cette semaine. C'est pas évident hein, pour un arbitre de hockey mineur là, puis du recrutement. Moi à la suite de ce documentaire là, je me suis dit ça doit pas être, faut quasiment être fou pour être arbitre hein, puis quelque part là est-ce que c'est difficile là? Ça fait longtemps que t'es dans hockey mineur là, est-ce que année après année ça devient de plus en plus difficile de recruter des arbitres ou ça se passe bien? C'est pas facile de recruter des arbitres. Ça. Je peux pas te compter de peur et dire ah non, ça va bien à ce niveau-là. C'est très difficile de recruter des arbitres. Puis ce que je te disais en dehors des ondes, sans vouloir insulter personne, le monde est malade. Je vais être bien honnête avec toi. Le monde est malade. Moi, je suis allé en fin de semaine, là. J'allais en fin de semaine avec quelqu'un de mon CA là, pour aller voir une partie là, en route. Là, puis ça a été le constat général. Là. Après la partie, là, moi et mon quelqu'un qui est sur mon CA, là, on s'est fait apostropher par les parents. Ah ouais? Puis, c'est rien que ça que vous avez comme arbitre à Roberval. Puis là, maintenant, c'est des innocents, puis c'est des ci, puis c'est des ça. Puis À partir de là, mais regarde, nous autres, on n'en a pas un million d'arbitres. C'est justement la raison pourquoi les gens ne veulent pas arbitrer. Parce que, je vais le dire en guillemets, là, parce qu'il y a des morons comme vous autres qui, présentement, sont en train de chialer, puis qui chialent les jeunes, puis qui chialent les... Fait que, à partir de ce phénomène-là, tu sais, je veux dire, oui, ils sont bien payés, là, mais c'est bien beau, mettons, donner dans un midget, je sais pas, moi, 25$, 30$ pour arbitrer. Mais quand les parents attendent les arbitres, c'est arrivé il y a deux semaines, un arbitre s'est fait apostropher par un parent de Jonquière sur le bord de la porte. Pour 20$, ben garde, il va peut-être bien aller travailler chez Jean Coutu puis chez Unibri, peut-être bien pour 15, là. Ouais. Ou 12, mais il sera pas tanné, il sera pas agressé, il sera pas. Et tout ce que tu peux ajouter. Fait qu'à un moment donné, les jeunes se disent pourquoi on irait arbitrer, se faire crier après, se faire menacer, se faire. C'est juste du hockey, là. Puis c'est ben oui, il y a personne qui va faire. Il n'y a personne qui va faire le. Il n'y a personne qui fait la Ligue nationale à part Samuel Girard. Là. Ouais. Tu sais, je veux dire, c'est. Il y a Samuel Girard à Robertval présentement. Puis au Lac-Saint-Jean, il n'y en a pas. Je pense pas vite de même qu'il y en ait d'autres. Je pense pas qu'il y en ait au Saguenay non plus présentement. Mm-hmm. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des bons joueurs de hockey. Et de là à faire. Puis les parents, ben, même si. Écoute, là, c'est des humains, là. C'est la main. Ouais. C'est. Qui veut aller arbitrer? Mm. Ça te prend, là, tu sais, quelque part, là, tu te dis, ça te prend quasiment, mais ça te prend méchant sauter pour aller se faire crier après, puis se faire sacrer après. Mm, effectivement. Fait que c'est ça qui est déplorable. Puis oui, c'est pas plus, c'est à Robertval, mais tu vas aller à Saint-Foutien, les parents à Saint-Foutien vont sacrer les arbitres à Saint-Foutien, c'est des pas bons. Ben, à Dolbeau, ils sont encore bien moins bons. Puis tu sais, fait que c'est partout où tu vas, c'est tout des pas bons. Mm. Ouais, mais là, qui veut arbitrer d'abord? Il y a personne. Nous, on l'a dit à une équipe, là, ben, regarde, vous prendrez vos parents, là, vous arbitrez. Ouais. Non, on peut pas arbitrer. Ben oui, parce que j'ai même plus d'arbitre qui veut aller arbitrer cette catégorie-là. Ouais, mais là, je fais quoi, moi, là, j'ai plus d'arbitre. Tout le monde m'a dit, Hugo, on arbitre plus. Non, mais là, ça marche pas, là. C'est, je veux dire, là. Fait que c'est ça, la réalité des arbitres. Je dis pas qu'ils sont, je dis pas qu'ils font tout le temps des bons calls, là. Non, mais c'est ça. T'sais, on s'entend, là. C'est comme dans la Ligue nationale, là. Ils sont en Ligue nationale, ils doivent être pas pires. Puis ils en ratent. Fait qu'à partir du principe que t'en rates dans la Ligue nationale, excusez-moi, dans Robertval, là, je vais en rater aussi, là. Oui, effectivement. Donc, mais ça fait, t'as pas répondu à ma question, ça fait 5 ans qu'on collabore ensemble, Hugo. Est-ce que année après année, ça devient plus en plus difficile? Ben oui, ça devient de plus en plus difficile. OK. Puis c'est toujours quand les anciens partent, c'est qu'on recommence avec des jeunes. Mm. Puis là, ben je viens qu'à un moment donné, ben les jeunes sont plus capables de ils n'ont pas le bagage pour arbitrer. Mmh. Ça devient une roue qui tourne. Moi, tous mes anciens, à un moment donné, ben, quand ils font qu'ils se trouvent une job, ben, ils se trouvent quelque chose, ils partent tout. Fait que là, on a la problématique est carrément là. Le recrutement est difficile. OK. Donc, effectivement, ça devient de plus. Bon, l'autre point sur ce que je veux te parler, cette semaine, j'ai eu Marc Denis en entrevue. Évidemment, c'est pas pour rien, c'est l'actualité qui l'exigeait. Marc Denis qui a été nommé, qui sera introduit au temps de la renommée de la Ligue junior du Québec. Sauf qu'on par la suite, on a parlé du hockey mineur et également du fameux match qui va se faire dans le nord du lac Saint-Jean. Marc me l'a pratiquement confirmé que ça va devenir une tradition. C'est une bonne nouvelle pour le... Ben, c'est une bonne nouvelle pour toutes les hockey mineurs. Ouais. Une nouvelle façon de se financer. C'est une belle façon de se financer. Faire en sorte que les hockey mineurs puissent là. Je dis pas que c'est de l'argent facile parce qu'il faut le travailler, là, mais c'est une belle façon d'aller chercher un moyen de financement. Ça laisse les autres organismes également autour là, qui ont d'autres sports, ben qui sont capables de faire leur campagne de financement. Ouais. Puis des Saguenayens, ben on le dit depuis le début, là. Mm. Plus qu'ils vont se rapprocher des gens du lac Saint-Jean, ben meilleur vont être le sentiment d'appartenance, puis meilleur va être le foule, puis meilleur va être tout ce qui entoure là, les produits des Saguenayens. Donc je pense que c'est un. On appelle ça un win-win, là. Une situation gagnante de chaque côté. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va. Ce que quelqu'un va risquer avec les Marquis, parce que ça peut être un autre beau coup. Peut-être moins payant, mais moins d'ouvrage aussi, puis peut-être moins de risques. Là. J'ai hâte de voir si quelqu'un va se risquer avec les Marquis, parce que Marc Bovet me l'a carrément confirmé que oui, on est intéressé également à aller au Lac-Saint-Jean. Puis les Marquis, ben il y a quand même une belle délégation, puis ça attire également des spectateurs du lac. Donc ça serait peut-être mais ça faut le faire pour le voir si ça pogne, hein? La première année, il n'y avait pas de risque parce que Samuel Girard puis il était populaire. Donc c'est pour ça que là maintenant on sait que c'est win-win pour tout le monde. Mais les Marquis, personne n'a vraiment essayé. Fait que personne n'a fait. C'est clair. En 2011, il y a 800 personnes par contre. C'est déjà fait. Non, c'est ça peut être quelque chose là. Ça peut être quelque chose de, d'intéressant. Puis c'est quelque chose qui, ça c'est sûr, c'est quelque chose qui se fait puis qui peut se faire sans aucun problème, là, vraiment. OK. En terminant, Hugo, je veux te parler des Hurricanes de Mastuyash. Tu t'en vas actuellement dans l'autobus. Il y a un tournoi en fin de semaine? Oui, ben dans le cadre de nos ligues, nous autres, avec la fusion de la Côte-Nord, ben, il y a toujours des équipes là, chaque équipe doit monter soit à Sept-Îles ou à Baie-Comeau. Puis nous autres, cette année, ben, on a demandé que tant qu'à monter à Baie-Comeau, ben, que nos parties soient dans le cadre là, de leur tournoi là, à Baie-Comeau. L'an passé, c'était justement les Rapides qui étaient montés et qui étaient allés faire le tournoi. Ça fait qu'on fait une pierre deux coups. Donc on participe à leur tournoi en même temps que on doit là, obligatoirement monter là, sur la côte nord ce matin. Là. On part tout à l'heure là, pour Baie-Comeau. OK. Ben, Hugo, on s'en reparle la semaine prochaine. Donc, on rappelle que cette chronique est une commandite de Jean Lapierre Mécanique de Saint-Brieuc.